Et son Excellence Jean-Pierre Liaou, le cerveau d'État. Trésor, confort c'était, pour toi et ça déjà y'a confou mama. Pardon, place ta outil, pour ta eka ou quitte o. Tika koba qui sali sous souba nombre de pengle o. Chimbalanga o. Et enceinte mon angane. Nasa koloka mon salana mon te manayo. Mon abato. Lettre motivation so se mangaï. Tala elongi nanga esa felicible o ke mon écriture. Et Paul Alex est le grand Nigérien webiné de l'Afrique. Pese fera motema nanga belle li destination teo mena epi ango abakutu. Et gosse mon akanga o ataba kangi misonanga kiteni ya mwino. Kasi motema kokunga te bolingo na yo trésor muzamba o. Kude mampaka Francis Tio yomuluba ya chef Iska Alenzo ya Kasusuli Nadi Kalvanda Joe Minyo, Chic Temba Honorable Patrick Bologna Gloire Tsaï Kimakuda, Nelly Mwalumba, Mabis Kiyaku, Monoko Nangayo, Ladi Galvanda, Ebe Tili Baku, Ebe Niki Sangani, Kingasani, Parto Poli Mwanoe Bumate, Adresa Morte Marangai, Awana Beleli, Talasima, Talasili Arangai, Trésor Kozala, Teli Pasaya, Takinga, Violet Dinganga, Papi Tolase, Honorable Alebo Ika, Kape ma banzo mayo e bula kama kreso Pardon ko poma te lo voyo, chimala nga o Nandi mikeli kakwa iba kabita bete po alona o Nzoto nanga o namono kwa susi eza bombo Ba shoke bolingo enyonga kamingi chimala nga Kaskito moto pamba Recevera monte mananga Bele li destination teo Bebe etu Mena e pia mwa Rihanna Domingos Akangao Ataba kangi miso nanga Kitani ya mwindo Kasi moteme kopunga tibuli ngona yo oh. Eh papa wemba mose fulangengi Les petits poissons et déjà grands Nako ya ko sede Nako ya Filmanga na kufa Oh sede oh Akuwa oh, oh, oh. Anjeu Anye Una tika la ter Sokyo revante trezo chimbalanga Albert Mboyo Sandra Bombo Nakoya possède Nakoya possède Oh oh oh oh Xavier Lopez João Ndombele Givenchy Kalonji DJ Prince DJ Lutonadio Mohamed Ambisi Gilles Mbongo na Italie Lorette Mpemba Nakoya ko sede Finanga na kufa Na bimbwa neti Angelou Adieu Una tika la terre Sokyo revoir des trésors Chimbalanga Eske yo panza kape mayo Kape mamazo mayo Elu kakama trésor Nandimi kelika kwa ibaga itabete mbo alona Toto nanga